6, activation orale, prononciation, notre, nous. Écoutez et répétez. Notre, votre, poker, plutôt, Georges, pelote, gros, pot, mortel, portrait, solide, hauteur, personne, Yvonne, beau, saut, n'importe, sportif, robuste, dommage.